C'est une brume blanche. C'est une brume blanche, très finement ouatée, qui sur l'île s'épanche par la brise portée. Sont-ce des revenants qui, sur la mer étale, délaissent le ponant et leur contrée létale ? Leurs feux se sont voilés, point de barque fantôme ou de voiles affalées, un horizon de chrome. Règne ici le silence, tout juste entrecoupé dans sa molle indolence du cri d'oiseau huppé. Mais l'on discerne aussi, juste de loin en loin, discrète et indécis, du ressac son refrain. Groix se laisse couvrir sans la moindre frayeur, comme pour découvrir un fantastique ailleurs. L'interminable veille. Quelques lettres diaphanes au revers des nuages qui s'écrivent tremblantes sur un lutrin d'écume. C'est bien là le suroi qui jette sa missive à la brise étourdie venue caresser Groix. Vestales et chevaux accourront au couchant, couverts par le dais noir du défunt crépuscule. Abrutis de tumulte et giflés de saumure, ils atteindront la pointe, saoulés et dégueulants. Alors débutera l'interminable veille, scandée par la vindicte des assauts tempétueux. L'on pourrait bien penser que le temps s'y ennuie, la brise est paresseuse et le soleil oisif. Là, quelques vieilles cimes s'abreuvent à l'azur, un lagon bleu métal, quelques soupçons de lait, et puis, juste en dessous, la mer qui va et vient, fait la cour au rivage pour mieux jouer les farouches. Enfin, là, tout au bout, ils s'unissent enfin, l'onde de bleu et le ciel pour des noces radieuses. Sur la table dressée, une nappe émeraude, des oiseaux invités, commensaux des coureaux. Parfois, jusqu'à la plage, tombe un tapis fleuri. Même le bel Orient n'en a pas de semblable. À vrai dire, moi je trouve que cette île qui flâne a quelque chose à voir avec le paradis. Mais alors dites-moi, quel bon Dieu en goguette aurait pu déposer une île en cet endroit? La tempête. Dans les filets hirsutes de nuages salaces, fiers, le suroît chahute leurs cheveux gris filaces. S'y prête à défaillir lorsque la côte approche, la mer semble bouillir dans son chaudron de roche. La plage s'abandonne, offrant sa robe pâle aux vagues qui ronchonnent, juste crêtées d'opale. L'on n'entend même plus les sanglots d'un ciel sombre, mais la clameur du flux qui explose dans l'ombre. Malheur à l'imprudent qui conduira sa voile en cet assaut ardent vide de toute étoile. Méditer seul au monde. Apercevoir l'estuaire et ses flots contrariés quand il devient sanctuaire de jupons barbouillés. Écouter son murmure, ses courants indomptés sous de vertes ramures à l'ombre convoitée. Découvrir l'horizon tracé par l'île aimée en pleine floraison par le hasard semé. Deviner ses parfums que sublime la lande. Admirer des dauphins qui s'amusent en bande. Méditer seul au monde, face à l'immensité, ces brises vagabondes, loin de nos fatuités. J'ai laissé à mes rêves la grâce d'une brise, pour qu'ils courent sans trêve, sans regret, sans emprise. Leur ai compté la mer, absolue liberté, les îles hospitalières par les mouettes escortées. Leur ai peint la lumière et les criques turquoises, des tapis de bruyère près de Sainte Courtoise. Leur ai dit les parfums dont se parent les jours, le balai des dauphins, les couchants de velours. J'ai offert à mes rêves le doux nid de l'amour, la tiédeur d'une grève, les vagues pour atour. Ô sensuelle marine! Ô sensuelle marine, dévoile dont tes charmes et tes plus beaux attraits au baiser du printemps. Le ciel encore s'ennuie sous les brises étourdies, assoiffé d'un sel gris que l'océan néglige. Ombré, l'estran se livre au ventre des bateaux. Couchés là, sur la grève, ils espèrent le flux. Le vol d'un goéland amuse les nuages. Si le phare somnole, il ne dort que d'un œil. Tout pimpant, le village, lové dans son vallon, s'expose sans pudeur aux caresses du sud. Derrière, la falaise se grise au blanc jupon d'une houle oisive venue étreindre l'île. La mer est basse. La mer est basse, tout là-bas se retire. La mer est lasse, je l'entends qui soupire. Leurs longs cris insolents ont su me le prédire. Ces bruyants goélands venus là me le dire. La mer est basse, la brise va fraîchir. La mer est lasse, mais au loin se déchire. Sous ses voiles de brume, elle attend et se froisse. En dentelle d'écume, la voilà qui s'agace. La mer est basse. Déjà elle ronchonne, la mer est lasse, pourtant râle et bougonne. Arrivée la toisée, c'est un violent suroi abreuvé de risée qui va réveiller Groix. La mer est basse, voici l'heure du flux, la mer est lasse, mais revient résolue. Fine étreinte. Fine étreinte brumeuse, tu enserres la mer, chrysalide fumeuse à la grâce éphémère. Ta tendresse ouatée emmaillote la terre en un voile éclaté, poudre de diamantaire. Drapé de blanc crépi, sous ton tulle opalin, le village assoupi goûte au suroît salin. La falaise s'enfuit vers le trouble horizon, découvre et puis essuie de pâles floraisons. L'or juste le ressac, qui fouette le silence. Il ronchonne et puis claque, saoulé de turbulence. Oui, je vivais un rêve. Poème dédié à Louis Causan, gardien de phare. J'ai effeuillé le ciel, noir, gris, bleu, en trois pages, ouvert le pot de miel, soleil blond et bien sage. Puis une huile tranquille, émeraude et turquoise, vint là oindre mon île, tendrement, sans emphase. La caresse amoureuse d'une brise câline se coucha langoureuse sur l'onde mousseline. Vaguelette légère, vous êtes l'or venu, discrète passagère, sur le sable, inconnue. Je l'ai trouvée si belle, la douce mélopée, envoûtante, irréelle, à peine syncopée. Allongé sur la grève, j'ai renié le sommeil. Oui, je vivais un rêve, à nul autre pareil. Mais restée cette image. Mais restée cette image, ces couleurs, un décor, une ambiance bien sage, l'horizon drapé d'or. Le balai de la mer aux nuances turquoises, dentelles éphémères de vagues qui pavoisent. La simple poésie des mouettes qui se grisent, la pointe des saisies en longues dagues grises. Un léger courant d'air qui répand les fragrances d'une brise solaire, barbouillée de garance. Enfin je me rappelle ce crépuscule rare sous l'emprise irréelle de la toge du soir. Pétales comme neige. Vagues lascives et tendres s'effacent et puis s'abreuvent d'un sable qui se gorge de poudre de grenat. Des oiseaux suspendus qui découpent le ciel, son horizon fiévreux dans ses voiles de pourpre. La timide lueur du phare qui s'éveille, l'insolente rengaine d'un ressac sans mémoire. La brise qui s'égare avec ses airs d'été, augure de la nuit, elle sera soyeuse. L'île exhibe au ponant ses effets de granit brodés de riches frises que lui offre l'ajon. Pétale comme neige au beau soleil enfui, murmure de tes cils qui toujours me sourit. Groix se fait joaillière. Jalouse de ses charmes, c'est l'île qui s'apprête. En retenant ses larmes, le ciel lui fait voilette. ce n'est qu'une risée qui voile l'horizon, tel un crêpe irisé en guise de toison. Décor en noir et blanc, aux nuances sépia, qui laisse tout tremblant un long galon d'oya. La plage s'abandonne, juste ourlée d'un fil clair, à l'océan se donne, ô la belle insulaire. L'or se tulle en offrande, caresse la bruyère et emperle la lande, Groix se fait joaillière. Si tu marches sans bruit, la nuit les a portées, nonchalantes et distraites, il se peut bien qu'à toi te dise le secret. Si tu marches sans bruit, si tu prêtes l'oreille, estampe délicate, toute empreinte des brises de mes rêves iodés sur la plage un matin. Si tu marches sans bruit, si tu prêtes l'oreille, l'écho d'un long voyage fait de houles et de grains, souvent des attentions de zéphyr au soleil. Si tu marches sans bruit, si tu prêtes l'oreille, le parfum de jardin révélé sous l'azur de terres inconnues qui t'attendent là-bas. Si tu marches sans bruit, si tu prêtes l'oreille. Enfin ces symphonies éthérées, volatiles, au cœur d'un coquillage, te conteront l'ailleurs. Quel est ce vent soudain? Quel est ce vent galant qui recouvre la plage de ce voile indolent que la marée partage? Quel est ce vent rêveur qui souffle goéland les bien douces faveurs d'un tranquille océan? Quel est ce vent complice qui porte les voiliers vers les troublants délices de ports hospitaliers? Quel est ce vent paisible qui léger vagabonde, espiègle et invisible pour mieux denteler l'onde? Quel est ce vent soudain qui se lève et qui chante, cet air presque anodin qui chuchote et m'enchante? La pointe des chats. Des voiles en partance, juste sur l'onde à fleurs, pétales d'existence pour d'impossibles fleurs. Un ciel nappé de suie qui veloute les vagues, c'est la nuit qui s'essuie et la mer qui divague. Là-bas, des feux s'allument, disant qu'il se fait tard, mais les voiliers assument, puisque brillent les phares. Voilà bien bel écrin aux effets de tristesse, tissé d'un noble crin qui offre robustesse. La brise semble hautaine sur la pointe des chats, les roches en mitaine se couvrent de crachats. Mais que sera demain? Ils disent que la pluie mouillera les chemins et gâtera les fruits. Les brumes. S'évanouissent les brumes à l'aube de la nuit, comme un rite posthume impalpable et fortuit. Mystérieuses et lointaines nourrissent nos légendes de villes croquemitaines camouflées dans la lande. Nébuleuses, irréelles, recouvrent l'horizon de formes idéelles, hôtes des lunaisons. Transparentes et fragiles, épouses d'un doux zéphyr dans une tendre idylle aux lueurs de saphir. Silencieuses, éthérées, rejoignent-la, pressées, la barque vénérée des âmes trépassées. Juste un souffle léger. Juste un souffle léger pour nous tourner les pages d'une mer dégagée, câline et sans tapage. Et sans les avoir lus, voir onduler les feuilles, le flux et le reflux qui doucement s'effeuillent. Admirer le rivage, tomber sa robe sombre, quand ses teintes sauvages, là, se disputent à l'ombre. Mystère des marées qui, du bout de l'écume, sur l'onde bigarrée, se joue des pâles brumes. Elles nous livrent alors ces paysages étranges aux fabuleux trésors que les seuls flots engrangent. Et puis c'est le retour du lent et bel assaut, offrant nouveaux atours à Groix, noble vaisseau. La pluie. C'est la pluie qui se drape de flèches cristallines qui très tendrement frappe l'étendue opaline. Oh, ce bel instrument dont l'infini clavier offre son dénûment à la brise conviée! et le ciel lui fait scène, capitonné de gris, assombrissant à peine ma longue flânerie. Les aigrettes fragiles amignonnent l'estran de leur envol habile, tel baiser effleurant. Les cormorants plus sages hérissent la balise d'un étonnant tissage, traçant obscure frise. Paresseux est le temps, peut-être contrarié, cet étrange printemps semble s'être oublié. La nuit frappe à la porte. Le ciel s'est abreuvé de l'or des grands ajoncs en tenture avivée au pinceau des surgeons. Bascule arachnéenne, crépuscule embrumé, tu caresses Penmen dont l'œil s'est allumé. Étrange vernissage, dans ses plus beaux atours, la mer s'est faite sage et se teinte à son tour. La falaise s'éclaire une dernière fois, fantaisie capillaire des algues quelquefois. Des silhouettes noires qu'un doux zéphyr emporte, derniers oiseaux du soir, la nuit frappe à la porte.